tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé. Sinon, ça serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Henneberg, je serai votre présentatrice du jour. Épisode 37 de la saison 5 dont on n'a rien préparé. Nous sommes au moment de la diffusion le 10 juin 2024. Dans 5 jours, c'est mon anniversaire. Mais nous ne sommes pas là pour parler. Félicitations à ma maman d'avoir poussé correctement il y a 34 ans. À toi d'exister, Manu. Félicitations à moi d'exister. Est-ce qu'il faut féliciter les gens pour exister ? Oui, il faut. Oui. Oui. Très bien. Eh bien, nous ne sommes pas là pour discuter de questions aussi philosophiques que l'existence et la félicitation de l'existence. Nous sommes là pour faire des impros et je ne le ferai évidemment pas seul, mais je suis accompagné, comme d'habitude, par les deux merveilles que je félicite d'exister aujourd'hui. Bravo ! Oui ! Ise the Wave Brassel. I am Ise the Wave Brother. Et Hicham de Tornado, elle a mouri. J'espère que tu allais m'appeler The Shake. Ah, et moi aussi, j'ai cru que tu allais faire ça. Ah, le Hicham Shake. Non, Hicham non, Shake. Hicham the Hicham Shake. Hicham Shake. Is the Wave, Hicham the Shake. Ah, mais Manu Hicham de... Shake, Manu the what? Manu the Seat. Manu the Seat. Ah voilà, parce que je n'ai pas performé de mouvement. Exactement. Au moment où tu as dit mon c'était, nom. C'est oui. Voilà. Waouh. Te définira pour l'éternité. Mais c'est bien, parce qu'être assis, ça va être plein de potentiel, finalement. Manu the Pose. Manu the Pose. Manu the Pose. C'est trop bien, c'est le matin. Nous ne sommes pas là non plus pour nous donner des prénoms gentils, mais c'est toujours rigolo. D'ailleurs, on n'a pas de nom pour nos fololos, notre commu. Nos quoi? Nos fololos. C'est les honarpiennes. Loin de moi l'idée de mettre les pieds dans le plat, mais j'ai l'impression qu'il est un peu tard pour ça. Est-ce que justement ce n'est pas délicieusement absurde de les nommer? Oui, sans doute. Les, quand les, nous les, sommes à... Les rien prep. Moins 3. Les rien... Les, mais non, dites-nous en fait en commentaire. Les prépouses. Voilà. Dites-nous ce horrible. Que vous pensez, quel nom devrait-on donner à la communauté? Et oui, parce que c'est moins 3, c'est le troisième épisode avant la fin du podcast. Enfin, il y aura... A priori, et peut-être si ça n'arrive pas, on pourra le couper au montage, il y aura normalement un live début juillet pour nous retrouver une dernière fois avec vous dans un endroit qui demeure à déterminer. Peut-être ce sera par Internet avec un public présent sur place, peut-être pas. Voilà, nous embrassons le chaos de cette fin de saison et oui, l'incertitude. Pour accuser à l'image du reste du parcours. C'est ça, nous n'allons pas commencer aussi. Parcours La semaine passée, Marie Choderlos a mis le feu et elle revient la semaine prochaine. En attendant, nous sommes trois pour des impros, du fun, du rire, des émotions. Et nous commençons avec quand même quelque chose d'un petit peu philosophique et d'un peu ésotérique qui nous est amené. Elle le dit avec rage. Ésotérique. Oh. Ah. The Yawning Wave, Brassel. That's me. Il faudrait qu'à chaque début d'impro, il y a un adjectif supplémentaire. Nous allons faire une improvisation tarot. J'ai devant moi un jeu de tarot divinatoire qui va inspirer un thème. C'est à la fois une phrase et une image. Et en plus de ça, j'ai un autre tarot qui s'appelle l'oracle bleu. Et je tirerai trois cartes de l'oracle bleu qui seront des événements durant l'improvisation. À prendre au sens large, au sens littéral, comme vous voulez, on prend dans bien des sens, n'est-ce pas? Titre. Ah oui, oui, c'est exact. Tu expliques ma blague là. C'est juste, j'ai une obligation contractuelle à dire titre, si c'est titre il y a. Manu. Oui. Tire-nous une carte thème et tu vas pouvoir traduire la phrase et décrire ce qu'il y a comme image. Eh ben tiens, marrant parce que. J'ai tiré une carte d'un autre tarot divinatoire qui disait quelque chose de très proche il y a très peu de temps. Lorsque tu doutes, prends le temps de t'arrêter et de te rassembler. Ouh. Et alors, au dos, nous avons une personne avec une frange, les cheveux noirs raides et un petit top, mais oui, en plus. On dirait un peu Manu. Qui Manu est en train de lire un livre. Oh putain. If that's not me. Et autour d'elle, elle est en couleur, et autour d'elle, quatre figures qui lui ressemblent fort, mais qui sont en noir et blanc, et qui la regardent un peu de partout. Et il y a une espèce de vague verte qui... une yawning wave qui vient s'enrouler autour de la personne au centre et puis repartir vers ailleurs. Yes. Voilà, et donc l'illustration et la citation sont de Mei Li. L-I. Merci beaucoup. Voilà. Cette citation et cette image est le début de votre impro. C'est parti. Ce que tu as fait n'est pas acceptable. J'ai juste mis de la peinture à la place de l'eau dans le tuyau d'arrosage, c'est pas non plus, enfin c'était comme... Kenan, dis-lui, ça ne va pas du tout. Oui, bah ouais, vraiment, tu fais honte à toute la famille, ouais. Ouais, je dirais que c'est ça, tu fais honte à toute la famille. Oui, c'est bien dit, Kenan, honte à toute la famille, je pense que c'est... Oui, voilà, c'est bien ça. Mais papa, je... C'est simplement que je voulais faire une blague, je voulais comme ça le voisin il pchite un arc-en-ciel sur sa pelouse et parce que comme ça c'est la pas drôle, en fait c'est pas drôle. Regarde, est-ce que ta petite sœur elle fait ça elle, hein? Julia, tu fais ça? Est-ce qu'on peut me laisser en dehors de ça s'il vous plaît? Et voici la première intervention de l'oracle bleu. Va intervenir la fidélité. La fidélité intervient dans cette improvisation. C'est parti. Ok, je suis désolé, papa et papa. Je recommencerai plus. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Par exemple, je pourrais. Non, mais c'est en fait c'est trop tard. Tu as trop abusé. C'est une connerie de trop. En fait, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de Diel? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire Diel? Je sais pas, écoute-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sa petite sœur, Julia, elle s'en sort bien. Est-ce qu'on peut me laisser en dehors de tout ça, s'il vous plaît? Non, mais j'ai compris, je vais aller dans ma chambre un petit peu. Ah ben quoi, ça s'est pas bien passé? Et qu'est-ce qui va intervenir ensuite dans l'improvisation? Le monde effondré. Le monde effondré, c'est parti. Non, ils ont tout compris de travers, ils ont cru que c'était une mauvaise blague. Après, le voisin, il va porter plainte. C'est pas une mauvaise blague, c'est une excellente blague. Pourtant, oh là là, vraiment, c'est pas possible. Cette famille ne te comprend pas. Non, ils comprennent rien, mais je pense que peut-être qu'en fait, c'est toi qui comprends pas ma famille et que du coup tu me pousses à faire des trucs qui après vont contre... Oh, tu vas pas commencer à remettre en doute ma parole à moi alors que je suis ton meilleur ami, la seule personne qui est proche de toi vraiment et qui te comprend. N'est-ce pas que tu me comprends? N'est-ce pas que je te comprends? Ben, je suis pas sûr. Bon, allez! Je pense qu'il faut que tu me laisses un petit peu. Quoi? Oui. Mais non! Oui. Allez! Viens, on va mettre du PQ sur des voitures. Non. Allez, la fenêtre est juste là. Non. Va voir ailleurs si j'y suis. Mais quoi? Non. Tiens, j'ouvre la fenêtre. Et je t'expulse. Et la dernière intervention du tarot pour terminer cette improvisation, c'est la santé. C'est parti. Papa. Papa, je pense avoir compris l'errement de mes attitudes passées. Je suis prête à faire amende honorable et j'engage mon sang aujourd'hui. Sling. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire genre... Oui, est-ce que tu veux bien déposer ce truc, sœur? Est-ce que ta sœur a jamais fait... Est-ce qu'on peut me laisser en dehors de ça, tout ça, s'il vous plaît? Que mon sang coule. Non, arrête. Pour arrête, prouver non, ma bonne non, foi. Arrête. C'est là. Chopez-la. Non. Vous comprenez pas, c'est pour vous prouver ma fidélité. Non. Wouah. Voilà, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'était une exploration de ta psyché, Manu? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que non. J'ai exploré sa psyché. J'ai été toutes les instances. Wow. Mais la voix du meilleur ami était terriblement drôle. Moi, ça m'a fait... Moi, j'imaginais une sorte de lutin mal dessiné, genre. On aurait dit des trampolines, mais en voix. Tu vois ce que je veux dire? C'était la vibe, c'était la vibe, c'était le chaos. C'est sans doute ça. La fidélité, le monde est fondé. Et là, imaginez un personnage dessiné vraiment à l'arrache au crayon au milieu d'un truc tout bien fait parce que c'est une sorte d'ami imaginaire chelou. Ouais. Mais je pense que la santé mentale de cette personne n'est pas beaucoup bien meilleure après, quoi. Non, il doit encore travailler dessus parce que ça ne se fait pas en deux secondes. J'espérais aller à un truc un peu plus léger à la fin. Oui, pardon, j'ai dérapé. Bah, non, c'est pas. L'impro. Oh. Hey. Émerge de l'impro, hey. Ce qu'il doit émerger. It is what it is. Et en parlant d'être ce que ça doit être, oui. Nous allons faire une abécédaire. Allez, mais pas de meilleure transition que ça. Ce que ça doit être, et puis basta. Exactement. Donc, vous allez jouer une impro, mais chaque réplique doit commencer par la lettre de l'alphabet qui suit. Ouais, et vous puis allez basta commencer. Qu'est-ce qui lui prend ? Je ne sais pas. Vous allez commencer au... à la lettre O. Oh. Et votre premier, enfin votre mot sera usine. Ça commence pas par O. Non, ça ne commence pas par O. Mais qu'est-ce que se passe-t-il tout à coup, parce que l'ami imaginaire du personnage de l'impro précédente a pris possession d'Isa. On dirait, ouais, je pense qu'elle aurait voulu, elle aurait voulu être cette créature. Ouais, j'ai fait 5 saisons avec vous, les copains, habituez-vous. Donc, usine, on commence par O. Usine, vous commencez par O. Et donc, vous terminez par une réplique qui commence par O de nouveau et ce sera la fin de votre improvisation. Attention, c'est parti! C'est parti! Attends. Oh! Qui ose troubler mon repos? Peut-on accéder à la presseuse à papier, s'il vous plaît? Quoi? Vous voulez accéder à la presseuse à papier alors qu'il n'est pas encore 15h45? Rien que cette semaine, vous avez hanté 3 fois l'usine. Est-ce que vous ne voulez pas aller occuper un autre lieu? On a du travail à faire. S'il vous plaît, je fais plus peur à personne. J'aimerais bien au moins effrayer un employé. Bah, Timmy, il a peur de vous, mais voilà, vous faites pas peur, désolé. Déjà, hanter un lieu pendant la journée, ça marche pas. Une minute. La nuit, vous êtes pas là. C'est pas logique ce que vous dites. Fatalement, je dois hanter le quand vous êtes là, à savoir le jour. Vous vouliez un café, monsieur Kadowski, s'il vous plaît, vous. Vanda, merci. Oui. Voilà, on va prendre Vanda. Vanda, est-ce que la créature ici présente vous fait peur? Il y a une créature, là Xavier, vous voulez que j'aille vous prendre du café? Enfin, monsieur Kulowski, pardon, vous voulez que j'aille... C'est ça? Parce que... Il y a une créature éthérée, fantomatique, qui flotte là, au-dessus de la presseuse à papier. Voilà. Et... Vous êtes complètement débile. Ah, il y a quelque chose qui a parlé au-dessus de la presseuse à papier. Il y a quelque chose qui a... Oh, c'est quoi ce rire? C'est quoi ce rire, monsieur Kulowski? Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Bon, voilà, vous êtes contente, vous avez fait peur à quelqu'un. Bon, oui, mais enfin, c'est Vanda, quoi. Entre Vanda et Timmy, il n'y a aucun mérite à faire peur à ces gens-là. C'est vous que je veux effrayer. Ça marchera pas. Vous me faites pas peur, vous me faites perdre du temps et surtout beaucoup d'argent. Alors, bon, au bout d'un moment, vous avez fait ce que vous vouliez, vous voulez faire peur à quelqu'un, vous avez fait peur à Vanda, maintenant je vais vous demander de quitter mon usine. Dites donc, si c'est comme ça, on se la joue comme ça. Vous voulez pas avoir peur de moi? Eh ben, je vais étendre mon pouvoir. Viens ici, petite Vanda. Hey, qu'est-ce que c'est dans mon dos que je sens? Fallait pas venir me chercher. Oh, gardez votre calme. Il n'est pas nécessaire de commencer à posséder mon assistante de direction. Qu'est-ce que je peux faire pour régler les choses là, je veux juste faire travailler mon usine. Hilarant. Comme vous devenez faible quand le chantage et le pouvoir se menuisent. Il disait qu'il y avait un cimetière gothique sous l'usine, mais bon, moi j'y ai pas prêté tellement attention. Vous êtes un fantôme gothique, c'est ça que vous êtes ? Il y a une seule chose. Une seule chose qui me convaincrait de quitter ce corps. Je vous écoute. Kulowski est des bras de donnez-lui ce qu'il veut. Il veut simplement que vous arrêtiez d'utiliser des arbres des forêts primaires de Pologne pour faire le papier. Lâchez-moi, Vanda, lâchez-moi. Arrêtez de tirer sur ma cravate. Vanda, lâchez-moi. Et vous aussi, faites-la lâcher. Maintenant, dis-le que tu vas abandonner. Ne faites pas de mal, j'abandonne. Laissez les propres de forêts de Pologne en paix. Hein. Ah, ah, ah, ah, Le visage de Manu, j'ai vu vraiment, c'était juste avant que tu appuies sur le bouton, t'as fait genre, ok, enfin. Ah, il y a eu... Il y a eu des prises de tapis. Il y a eu des rebondissements dans l'alphabet, il y a eu plusieurs... On n'a pas dit qu'on faisait l'alphabet francophone, la la la. On n'a pas dit qu'on le faisait correctement, la la la. La. On n'a pas dit qu'on le connaissait. La la la. C'est bizarre, d'habitude j'ai l'impression que c'est moi qui me prends les pieds dans l'ordre des lettres. Tout le monde l'a fait. Ouais, là. Ah, moi aussi. À tout le monde. Ah oui. Hicham, du futur, tu vas pouvoir prendre des comptes, tu ferais des ping quand il y en a un qui a raison. D'accord. Viré. Je vais faire des ping. Oui, des ping. Oui, oui. Ici Hicham du futur. Et oui, j'ai fait les comptes et j'ai même utilisé ce petit son que vous avez pu entendre qui était de mon fait. Et le score final est de une erreur partout. Une pour Manu d'abord, puis pour moi, et puis pour Ize. Ah là là, quel chaos. Au revoir. Il y a eu plusieurs répétitions de lettres et du coup de... Quoi? Est-ce que moi je me suis gouré ou j'ai l'impression d'avoir fait... Ok, bref. Oui, bon c'est pas grave. Ça appartient au passé. Voilà, la chanterie. Telle cette créature fantomatique. Qui hantait la machine à papier. Ouais. Mais je pensais au début que j'étais Timmy quand je venais t'apporter une tasse de café pour la personne. Ah oui. Bah, j'avais besoin d'un aussi W. Avait peur. J'ai besoin d'un W. Bah, oui. J'ai senti. On sait bien, il y a les règles, il y a les lettres problématiques. Il y a quelques lettres problématiques, on les connaît tous. Oui. Et tout à coup, je t'ai appelé Xavier, plus Monsieur Kulowski, parce que j'avais besoin d'un... Après une longue confusion sur si c'est le X ou le Y qui vient après le W. Voilà, c'est ça. Mais nous ne sommes pas là pour revenir sur les erreurs du passé. Non. On est là pour en faire encore plus tard. Ouais. Nous sommes là pour mettre en place les erreurs du futur. Oui. Oui. Et en parlant d'erreurs du futur, Hicham, quel est ton impro que tu nous proposes? The Shade. Ah mais non. Assassiné par ma gourde. Vous comprendrez quand Hicham se sera repris qu'il pourra donner le... Reprends-toi, Hicham. Oh, c'est pas passé dans du bon côté. Ah. Eh bien, nous allons faire, enfin vous surtout... Iseu et Manu vont faire dans leur maestria habituelle une tragédie grecque. Est-ce que ce sera joyeux? J'ai des doutes. Est-ce que ce sera solennel? J'espère. Est-ce que ce sera tragique? C'est le principe, a priori. Et je vais vous donner d'abord un mot pour inspirer tout ça. Et le mot sera Danemark. Danemark. Oui, j'ai vu ça. Je fais genre, c'est nul, j'adore. Wow. Je vous laisse vous débrouiller avec ça et je vais peut-être mettre une musique d'ambiance pour vous aider, faire tout ça, rendre ça tout très grec et tragique. C'est parti maintenant! Oh, Poséidon! Entends ma prière. Moi et ma flotte, en route vers la terre du Danemark, nous sommes en manque de vent. Cette légère brise n'emmènera nulle armée, nulle passion, nulle fureur vers la victoire. Alors Poséidon, entends mon appel. Emmène ma flotte vers la gloire. Électre. Poséidon, je t'entends. Alors comme ça, tu crois pouvoir me formuler des requêtes ? Bien sûr que non, ô dieu divin, au pied plat qui brille. Jamais. Alors pourquoi viens-tu crier sur mon domaine et perturber mes terres et mon royaume ? Si je n'ai point d'appel, si je n'ai point de prières exaucées, voilà ma flotte réduite à mourir de faim et ensanglantée. Électre, quel sort as-tu réservé à ceux qui étaient sous ma protection lorsque tu lanças une expédition pour exterminer ma belle cité d'Atlantide? Combien de corps de ceux qui me suivaient gisent au fond des flots et sont désormais la proie de mes requins et de mes murènes. Oh, Atlante, je vous vois dans ma tête, dans mes yeux et dans mes tripes. Voilà votre vision qui s'amène à moi. Comment puis-je me débarrasser, Poséidon ? Redonne-moi la vue, redonne-moi la vue ! Non, Électre. Ta flotte bénéficiera d'un vent qui l'amènera au Danemark, certes, mais j'en fais le serment, lorsqu'elle arrivera sur place, les Danois ne trouveront que des vaisseaux vides. Malgré toi, tu leur amèneras des vaisseaux capables d'aller sur la haute mer, eux qui n'en ont jamais eu. Et non. Ils retourneront ces vaisseaux contre ta patrie. Et eux non. Mèneront les raids sur tes terres que tu aimerais mener sur les leurs. Et eux amèneront la ruine et la mort que tu aurais voulu amener à leur peuple, à leurs femmes, à leurs enfants. Hélas, hélas, Poséidon, à la mer calme de l'ouest et aux pieds plats. S'il te plaît, rends-moi la vue et je te promets un sacrifice. Un sacrifice, Électre. Rends-moi la vue et les vents et je te promets le sacrifice de mon bras droit. Ton et de Dame tous Électre. Ceux de mes matelots. Dame Électre. Les troupes s'agitent et nous avons décidé de prendre notre propre chemin. Vous avez fait des erreurs qui offensent les dieux et si sacrifice doit être fait, c'est vous qui devez être sacrifié. Qu'il en soit ainsi. Chling ! Ah, mon bras ! Mais qu'il ne soit pas entendu face aux cieux, face à la mer et face à la terre qui n'est plus si loin que je n'aurais pas tenté d'arracher vos bras droits, vous aussi. Amenez-vous ! Arrêtez-la ! Arrêtez-la ! Et c'est sous tes vents faibles que je m'éteins, dieu de la mer. Et c'est par ton dernier souffle qu'une brise favorable agite enfin tes voiles et pousse tes vaisseaux vers la terre du Danemark, Électre. C'est genre, comment on va réagir, Iris? Comment on va réagir? It's coming! Dans mes hypothèses potentielles, il y avait le... Genre... Yeah! Et là, c'était quoi? C'était... Il y avait une petite danse des coudes aussi. Pour les... Je suis un troll. Un troll content. Oui. C'était ah là là, c'était chouette. Ah, vous l'avez, hein, vous l'avez bien, la tragédie grecque. Ça donne. Non, le théâtre professionnel. Ça donne, hein, ça donne. C'est votre dédain. C'est votre dédain. Comme dans une carcasse de l'animal flow. Oh, l'animal flow. Est-ce que vous le pratiquez maintenant depuis deux semaines, cher public? La version qu'on a faite, oui. Ah. Mais la vraie version, non. Non. Non, parce que je me suis roulé dans des tripes d'écureuils l'autre jour, c'était super. Oui. Intéressant. Et tu l'as cuisiné aussi après ou c'était juste pour les tripes? C'est une baignade récréative. Bien, eh bien, en parlant de récréation, en parlant de bon temps, et en ne parlant pas, je l'espère, de tripes d'écureuil étalées à l'air. Oh, on trouve toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Pendant. Iseu, quel est ton coup de cœur du jour? Mon coup de cœur est, comme d'habitude, un coup de cœur musical. J'ai découvert une nouvelle artiste sur ma super playlist Soul et j'adore la soul, c'est trop bien, ça me met en joie, particulièrement en ce moment depuis hiver, printemps, là, j'écoute que ça. Et j'écoute beaucoup Olivia Dean, qui est une artiste britannique. Et je ne peux pas vous dire autre chose qu'aller l'écouter. C'est des paroles intéressantes et riches, bien nourries, avec la vibe soul qu'on aime. Un bend réduit, mais efficace en performance live. Et j'aime bien ça. Il y a une ambiance très intime dans sa musique. Et bizarrement joyeuse, même quand les textes sont tristes. Voilà, bisous. Merci. Trop bien. Ah, je vous recommande Dive et OK Love You Bye. Ce sont mes préférés. OK Love You Bye. Excellent. Eh bien, moi, j'enchaîne avec aussi un coup de cœur musical. Ah. Eh ben, dis donc. C'est pour Chose, qui sur Instagram a un compte, c'est ce genre de choses. Alors, Chose, déjà, c'est assez rigolo la manière dont j'ai rencontré cet artiste. C'est qu'en gros, on m'a contacté pour aller faire une journée d'accompagnement parce que donc c'est une personne qui à la base faisait un spectacle et puis qui finalement voulait faire un concert et on m'a dit bah voilà comme c'est une personne qui est en questionnement sur son genre et tout ce serait bien que t'ailles bosser une journée avec et je connaissais vraiment pas autre chose et en fait en arrivant je me suis rendu compte que mes réseaux Instagrameux drag compatibles avaient beaucoup sonné autour parce que la release party avait eu lieu quelques jours avant que j'aille à cette résidence et en fait Chose c'est une personne alors je sais pas si cette personne se définit comme trans, en tout cas gender fluid et qui fait du rap qui parle de ça, qui parle de questionnement de genre. Donc, c'est une personne qui est assignée homme à la naissance, AMAB, et donc qui parle aussi de l'assignation à la masculinité toxique, comment on s'en libère, comment aussi parfois ben, on joue le jeu et on devient complice de violence via ça, etc. Et ce que je trouve très, très chouette, c'est que ça tabasse. Enfin, c'est vraiment des grosses instrus, du gros son rap, parce que donc, c'est quelqu'un qui à la base faisait du rap avant de se poser des questions sur son genre, qui donc a déjà une expérience là-dedans, qui bosse avec quelqu'un qui fait ses sons, qui fait aussi plein de prods rap, et du coup c'est vraiment du gros son rap. Mais ça fait vraiment du bien d'avoir du rap qui bouge et qui envoie, et qui en plus parle de questionnement de genre, de thématiques liées à ça et tout ça. Donc son album s'appelle « Habiter l'orage ». Voilà, c'est 14 titres vraiment très très très chouettes. Mes petits coups de cœur, il y a Sexy qui est vraiment un titre qui bouge énormément, qui est vraiment très très très chouette. Complice qui justement parle de la complicité avec la masculinité toxique, etc. Globalement, vraiment allez l'écouter, il y a plein de choses très très chouettes et en concert, je crois que ça va bien donner quoi, parce que elle a vraiment une manière de bouger qui est très très cool. Il y a une vraie scéno, il a des costumes aussi et tout. Et donc il y a quelque chose qui, je pense, scéniquement va être vraiment très très chouette. Donc restez branchés, je pense que les premières scènes vont pas tarder à tomber. Voilà, Chose, Habiter l'orage. Merci beaucoup. Hey Jam, quel est ton coup de cœur à toi? Est-ce que ce sera un trio musical ou est-ce que tu nous proposes autre chose? Non, c'est un jeu vidéo. Bah oui. C'est une chaîne YouTube. Ah, c'est un jeu vidéo. Manu pourrait parfaitement deviner ce que ça va être. Ah. Il s'agit d'Hadès 2. Oh my god. Ah oui, le dernier. Tu prolonges la tragédie grecque. Quoi? Oui, oui, exactement. En plus, bref. En tout cas, pour celles qui ne savent pas, je suis extrêmement fan de jeux vidéo. Je suis extrêmement fan notamment d'un studio de jeux vidéo, d'un studio de développement qui s'appelle Supergiant Games, qui est un studio indépendant, qui en 2020 avait sorti Hadès. Je crois que j'en avais déjà parlé. Ouais. À l'époque, Hadès, c'est un roguelike d'action dans l'univers grec, et qui a été fait par ce même studio et qui avait une manière tout à fait novatrice de lier histoire et gameplay de à répétition, qui est un peu le cœur des roguelikes. Et là, en fait, c'est la suite. Donc, on retrouve un peu le même univers. Il y a quelques persos qui reviennent. Donc, c'est mythologie grecque. Là où dans le premier, on jouait Zagreus, qui était le fils d'Hadès et de Perséphone, dans le 2, on joue Mélinoé, qui est une autre fille d'Hadès et de Perséphone. Mais il n'y a plus Zagreus ! Il est où, Zagreus ? C'est un peu l'histoire, apparemment. Cronos, le titan du temps, s'est libéré du Tartare et a repris le pouvoir et a renversé Hadès et a pris le pouvoir. Et c'est le bordel. Et Mélinoé, qui est une sorcière et qui est, comme tous les persos dans ce truc, ultra hot, enfin, scandaleux, se bat pour essayer de le mettre à bas. Précisément. Donc, on reste sur du roguelike d'action avec un jeu ultra beau, encore plus scandaleusement beau qu'avant. Il est sorti en accès anticipé, donc pas fini, mais en fait, ils finissent le développement en public, en pratique. C'est sorti début mai. Sans doute la prochaine année ou peut-être un peu moins, ils vont itérer sur leur jeu qui est déjà jouable, mais en rajoutant des éléments, en finissant des trucs. Et donc, dans le jeu, là, actuellement, il y a plein d'assets qui ne sont pas finis. Il y a quelques arts qui sont encore des espèces de brouillons. Il y a des trucs qui n'ont pas encore des visuels. Il y a plein d'éléments de jeu, des nouvelles armes, des nouveaux biomes qui vont sortir. Mais il y a déjà une quantité de contenu assez ouf. J'ai beaucoup de mal à ne pas me faire complètement bouffer par ça. Pour ceux qui connaissent, les persos sont notablement connus pour être tous ultra beaux, ultra canons. Et là, le scandale devient infernal. Il y a une possibilité de prendre des bains avec les persos. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà. Mais moi, j'étais devant mon jeu. Genre, ils ont poussé un cran plus loin. Garc. l'histoire est super bien menée. À nouveau, enfin, c'est plein de fun. C'est plein de, et comme il y a plein de persos qui ont été évoqués avant, maintenant ils sont cités, visibles. Il y a plein de trucs qui se font. Il y a des chemins différents qui peuvent être pris. Et je suis à nouveau, Et à nouveau, ce truc où tu découvres petit à petit l'histoire et t'avances dans l'histoire en avançant. Exactement, dans le jeu, oui, et oui, en faisant tes runs. Ouais, ça c'était vraiment génial. Ouais, à nouveau, je suis épaté par le truc qu'un studio d'une vingtaine de personnes est capable de produire à une qualité de dingue, avec une humanité de dingue, une qualité d'histoire de ouf et éthiquement sans crunch. Sans crunch, ça c'est bien. Et donc le crunch, c'est le travail hors des heures pour pouvoir atteindre les deadlines, qui est c'est ça. La peste du des milieu. Ouais, mise sous pression, c'est un petit mot. C'est oui. On broie les gens pour pouvoir atteindre les deadlines. Bien, mais si vous connaissez pas Hades 1, foncez sur Hades 1 parce que ça reste. Moi, j'y joue encore une fois de temps en temps et c'est vraiment pour l'instant, hyper chouette, ouais, hyper c'est que sur PC, mais vous avez du le Hades 1 est sur Switch également et sur PlayStation et Xbox, bref, en tout cas le actuellement l'Early Access est uniquement sur Steam, mais j'imagine que la sortie définitive sera sur plusieurs autres plateformes. Eh ben, trop bien, je me réjouis de pouvoir jouer à ça. Eh bien voilà qui clôture cet antépénultième épisode de On n'a rien préparé. Merci à vous public de nous rejoindre et de continuer l'aventure jusqu'au bout avec nous. Merci à vous Ize et Hicham de continuer avec grand plaisir ces bêtises et ces folies improvisées. On retrouve la semaine prochaine Marie Chauderlot qui revient pour son deuxième épisode avec nous. Et puis dans deux semaines, alors un épisode, voilà. On ne sait pas. On n'a vraiment rien préparé. Oui, on s'est dit, pour le dernier épisode, on ne prépare rien. Et donc, on verra. Et donc, vous assisterez à ce naufrage, slash cette réussite, slash les deux, slash voilà. On ne sait pas. Quoi que ce sera, ce sera audible. Et a priori, le 1er juillet, un live pour pouvoir vous dire au revoir en direct et pour pouvoir faire quelques petites impros encore avec vous de visu. Eh bien, prenez bien soin de vous. J'espère oui. Qu'on vous aura bien fait rire et détendu. Prenez bien soin de vous. Et des bisous et à la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Bye.